dans la fascination qu'exerce la littérature d'Howard Philip Lovecraft sur ses lecteurs, la vie de l'auteur, cet homme reclus qui n'a peu ou prou jamais quitté sa ville de Providence, dépeint comme taciturne, mélancolique, dialoguant la nuit avec sa propre folie, tient une part importante. Rarement un auteur aura autant fait corps avec son œuvre. Mystérieuse et ombrageuse, la vie de Lovecraft, au contraire. Avec plus de 60 000 lettres, journaux et carnets, c'est l'une des vies d'artistes les plus documentées. Pour faire le tri entre la légende et la réalité, le bon grain de livret, la biographie de référence « Je suis Providence » de S.T. Joshi vient d'être traduite en français. S.T. Joshi, je suis Lovecraft, c'est le programme cyclopéen qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour S.T. Joshi. Hello. Hello, bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de votre passage à Paris pour la publication en français donc de votre somme monumentale, 1300 pages en deux volumes. Je suis Providence, publié chez ActuSF. Il faut noter évidemment l'imposant travail également de traduction titanesque qui a été réalisé sous la direction de Christophe Thiel avec une dizaine de traducteurs. Et puisque l'on parle de traducteurs, votre voix française aujourd'hui est celle du camarade Michel Zotowski. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous pouvez suivre, comme d'habitude, cette émission en parallèle via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, S.T. Joshi, pour commencer, comment expliquez-vous qu'il y ait une telle dichotomie entre la vie réelle de Lovecraft, celle que vous documentez, que vous êtes allé éplucher lettre par lettre, et la légende qui s'est construite autour du personnage et qui perdure encore ? I believe the myths and legends surrounding Lovecraft. Je pense que les mythes et légendes autour de Lovecraft ont émergé au cours de sa propre vie. Il m'est apparu que lui-même façonnait son propre mythe durant sa vie. Le mythe de cet auteur reclus qui n'écrivait que la nuit, qui dormait le jour, qui ne sortait jamais dehors, des choses de ce genre. C'était un amusement pour lui, pour Lovecraft. Il aimait à créer cette image de lui-même parce qu'il sentait que ça lui allait en tant qu'écrivain. Un écrivain de fiction et d'horreur. Mais lorsque on examine les détails de sa vie, et lorsqu'on lit ces milliers de lettres, on en sort avec une impression totalement différente. Et c'est effectivement ce qui ressort de cette biographie. C'est peut-être même l'un des traits les plus saisissants hein, quand on se plonge dans cette somme. La légende que vous venez de décrire, elle dépeint un Lovecraft qui est sociopathe, torturé, aux frontières de la folie, et on découvre, à l'inverse, un homme plutôt enjoué, curieux, curieux de son époque, même très drôle. I believe Lovecraft was one of the most rational individuals. Je pense que Lovecraft était un des êtres les plus rationnels auxquels j'ai jamais eu affaire. Il avait une profonde croyance en la science. Il lisait beaucoup, il a fondé toute sa philosophie de la vie sur la science. Eternally concerned with ascertaining the truth about human life, inquiet de la vérité de la vie humaine et du bien du cosmos aussi. Even his literary work, his fiction, même son œuvre littéraire, fiction et poétique, est pleine de cette volonté de prouver la vérité. Mais vous dites bien, c'était Joshi, que c'est un homme drôle, que dans sa correspondance, il y a plein de traits d'humour, d'ironie, évidemment d'une certaine forme de cynisme, en tout cas qu'on rit beaucoup en lisant la correspondance de Lovecraft. Yes, Lovecraft, as a writer of horror fiction, eh bien, Lovecraft, en tant qu'auteur de fiction d'horreur, ne pensait pas que l'humour avait un rôle à jouer dans son œuvre. Donc, ses œuvres ont très peu d'humour, peut-être d'une façon extrêmement profonde. Il y a des plaisanteries un peu cachées. mais ce sont des choses qu'on ne peut découvrir que par une compréhension très profonde de la vie de Lovecraft, mais au cours de sa vie. Et lorsqu'il rencontrait ses amis, ses collègues, c'était vraiment quelqu'un de drôle. Et il aimait bien rigoler un peu. Quelle est la découverte dans ses travaux de recherche d'archéologie épistolaire qui vous a le plus surprise, Estée Joshi, à propos de la vie de Lovecraft? I'm not entirely sure. Things surprised me. Je ne suis pas certain d'avoir été surpris. En fait, ce que j'ai découvert à travers les masses de ces lettres, et en fait, on n'a qu'une fraction de toutes les lettres que Lovecraft ait écrites, mais il y en a des milliers et des milliers. Mais étant donné le fait qu'il semblait être un homme de la Nouvelle-Angleterre qui est considéré comme une région austère et sur la réserve des États-Unis, c'est étonnant à quel point Lovecraft était ouvert en révélant des aspects de lui-même à travers sa correspondance. Il ne cachait rien. Il allait dans les plus petits détails de sa vie quotidienne. Il le révélait le plus souvent à des étrangers. Je crois en fait que Lovecraft était d'une certaine manière autiste. C'est-à-dire que il écrivait ces lettres extraordinaires, énormément de pages, à des gens qu'il ne connaissait pas très bien. Je pense que c'est quelque chose de typique d'un tempérament autiste. Alors, on va rediscuter hein, de cette santé fragile, hein, de cette santé mentale fragile de Lovecraft. Vous le décrivez très bien, notamment dans la première partie de sa vie et son séjour à New York. Mais quelque chose dont j'aimerais parler aujourd'hui parce que c'est indissociable du mythe et de la biographie de Lovecraft. Vous décrivez quelqu'un de très ouvert. Pour autant, Lovecraft, on le sait, avait des positions politiques très complexes. Il était raciste, antisémite, et vous dites, Estée Joshi, vous dites, c'est le problème le plus difficile à résoudre de la vie de Lovecraft. Pourquoi est-ce que ça a été difficile? Comment vous avez appréhendé cette partie complexe de sa personnalité? It is indeed a difficult problem. Eh bien, c'est un problème difficile, effectivement. What I chose to do, ce que j'ai choisi de faire, c'est pas simplement de condamner Lovecraft pour ses positions, mais de comprendre comment il en était arrivé là. Et ce que j'ai découvert, c'est que, étant donné son environnement, les circonstances, ça aurait été très difficile pour lui de ne pas avoir eu ces positions-là. Sa famille se considérait comme faisant partie de l'aristocratie de la ville de Providence. Pourtant, ils étaient en situation de déclin économique. Ce menace de leur statut était vu avec hostilité. Et donc, ils considéraient avec hostilité tous les immigrants qui arrivaient chez eux. Et lui, il a adopté ces vues-là. Il avait un sentiment très profond de la tradition, de la famille. Il y avait un sentiment d'humiliation qu'il ressentait. Étant venu d'un niveau de très grande prospérité et étant tombé dans de ce piédestal. Je pense qu'il faut noter aussi que Lovecraft, en tant que sectateur de la science, si je peux dire, pensait que beaucoup de sciences, la biologie, l'anthropologie et d'autres, confirmaient la notion de supériorité et d'infériorité de certaines races. Il y avait énormément de travaux universitaires sur le sujet. La réfutation de ces positions a commencé au cours des dernières années de sa vie et n'a été conduite à sa fin qu'après la fin de sa vie. Donc ça aurait été très difficile pour lui de ne pas adopter ces visions-là et ces positions-là. Quand on côtoie d'aussi près un auteur comme vous avez côtoyé Lovecraft, sa vie, ses travaux, sa carrière, comment est-ce qu'on appréhende cette partie de sa personnalité? Est-ce qu'on arrive à la détacher totalement de son œuvre littéraire? Est-ce qu'on finit par la laisser de côté? Ou est-ce qu'au contraire, il faut l'appréhender et accepter cette partie sombre de son idéologie politique? In my judgment, De mon point de vue, le racisme ne rentre pas dans le corps de l'œuvre de Lovecraft de façon significative. Il est remarquable aussi qu'un grand nombre de ses amis les plus proches affirmaient qu'ils n'avaient jamais entendu de sentiments racistes énoncés par Lovecraft. Je trouve que c'est remarquable, parce que si Lovecraft avait vraiment été obsédé par cette question, on aurait pu penser qu'il en parlait, qu'il en aurait parlé à ses amis et à ses collègues, mais il ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire que Lovecraft n'était pas raciste, il l'était. Mais je crois que la grande majorité de son œuvre n'est pas salie par cet aspect. Je crois qu'il est important de noter aussi que dans les dernières années de Lovecraft, ses visions politiques, sa position politique à part le racisme, ont été révisées. Il a commencé sa vie en étant très conservateur et pendant les 30 premières années de sa vie, il était membre du Parti républicain, qui était le Parti conservateur. Mais avec les débuts de la Grande Dépression en 1929, il a commencé à réévaluer ses positions politiques et précisément sur l'aspect économique, au point où il est devenu un socialiste modéré. Il a soutenu Franklin Delano Roosevelt et la Nouvelle Donne, le New Deal. Il aurait souhaité que Roosevelt soit encore plus courageux, plus brave dans ses réformes. C'est vraiment un tournant et ça montre la souplesse de son esprit. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinairement admirable comme qualité. Et un mot encore à propos de ces travaux. On va discuter dans un instant de la façon dont vous êtes venu et dont vous avez fait corps avec ce travail littéraire et la vie et cette biographie de Howard Philip Lovecraft. J'ai appelé cette émission avec un peu de malice. Je suis Lovecraft, référence au titre de votre biographie qui est Je suis Providence. On en reparlera dans un instant. Quand on vit aussi longtemps et en symbiose aussi forte avec un auteur aussi puissant que Lovecraft, est-ce qu'il y a un peu de Lovecraft qui sommeille en vous? Est-ce qu'il y a au fond de votre âme une cité océanique enfouie qui n'attend qu'à être réveillée? Abyssus, abyssum inuvocat. Est-ce qu'il y a un peu de l'abîme lovecraftien à l'intérieur de vous, Estée Joshi? J'ai commencé à ressentir un certain lien avec Lovecraft. Vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à le lire, c'est pas que j'ai simplement eu plaisir à le lire, son œuvre. C'est quand j'ai commencé de façon très rudimentaire à étudier sa vie, ses croyances. J'ai trouvé que beaucoup de ses croyances, elles trouvaient un écho chez moi. Moi, je suis pas raciste, mais à part cela, j'ai trouvé qu'il y avait certains liens qui pouvaient être parfois superficiels, parfois pas. Nous aimons tous les deux les chats. J'adore les chats. J'aime la littérature du XVIIIe siècle qu'aimait Lovecraft. J'en ai lu beaucoup à cause de Lovecraft, d'ailleurs. De plus, lorsque j'ai commencé mes études universitaires à Brown, j'ai commencé par le latin et par le grec, parce que Lovecraft était lui-même fasciné par ces langues et ces cultures. Et j'ai senti le besoin de comprendre ce que Lovecraft trouvait de tellement intéressant dans ces cultures anciennes. Robert Bloch, qui était un ami de Lovecraft, a dit « Lovecraft, c'était mon université ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que Bloch, simplement en correspondant avec Lovecraft, avait découvert tous les intérêts intellectuels qu'il n'aurait pas eus s'il n'avait pas était associé avec Lovecraft. Et moi, j'ai fait la même chose. J'ai suivi ces lignes directrices qui étaient celles de Lovecraft parce que je voulais comprendre d'où il venait. J'étais vraiment eu beaucoup de chance de vivre pendant 6 ans à Providence, à l'université Brown, en recevant un une licence et une maîtrise, un MBA, MA, parce qu'on ne peut pas comprendre Lovecraft sans être à Providence. C'est la ville qui l'a fait ce qu'il était. Il ne s'est jamais senti à l'aise en dehors de cette ville, comme on le sait de ces deux années terribles qu'il a vécues à New York. Et c'est pour ça que j'ai senti qu'il était juste d'intituler ma biographie « Je suis Providence ». Ça veut dire, Steve Joshi, qu'il n'y a pas de germe extraterrestre malsain et méphitique en train de germer au fond de votre corps et que vous n'êtes pas sur le point de basculer dans la folie ? Je ne pense pas. Je crois que j'ai les deux pieds bien sur terre. En fait, je continue à travailler avec les lettres de Lovecraft. Je trouve que c'est un sujet fascinant. Je publierai toute lettre que Lovecraft a écrite et tout document que je découvre quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Un petit aspect de lui que je ne connaissais pas précédemment. Il est devenu un des individus les plus auto-documentés de l'histoire, probablement. Il y a des moments où on peut savoir ce qu'il faisait chaque jour, particulièrement de ces jours de New York. J'espère qu'on en parlera un petit peu plus. Il écrivait des lettres très longues à ses tantes en décrivant les détails les plus infimes de sa vie. Et ça révèle vraiment un aspect de la façon dont il vivait. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous sommes tout au long de cette heure en compagnie d'Estée Joshi, l'auteur de la biographie de Howard Philip Lovecraft, Je suis Providence, qui est traduite aux éditions ActuSF, et en compagnie également de Michel Zlotowski, qui assure la traduction tout au long de cette heure. J'aimerais qu'on revienne un peu aux origines de cette passion lovecraftienne qui est la vôtre, Estée Joshi, et avec, alors je dois vous le dire, un point commun, c'est que très très étrangement, nous avons découvert à peu près Lovecraft de la même manière et au même âge, vous et moi, dans le même type d'ouvrage, à 13 ans, dans un ouvrage collectif, et qui était un ouvrage de recueil d'horreur. J'aimerais que vous m'expliquiez, que vous nous racontiez comment se passe ce premier contact avec, je crois que c'était l'abomination de Dunwich. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est lié à ce moment-là? Je crois que le premier récit que j'ai lu de Lovecraft, c'était l'abomination de Dunwich. C'était dans une anthologie de récits que j'ai acheté à l'école. Et à l'époque, je vivais dans le Midwest aux États-Unis, dans l'État de l'Indiana. J'avais pas beaucoup voyagé de par le pays. Et donc, quand j'ai lu ce roman dans cet endroit très éloigné de la Nouvelle-Angleterre, je ne savais même pas de quoi parlait Lovecraft. Et pourtant, l'atmosphère de ce récit, vraiment, ça a eu un effet sur moi. C'est devenu évident pour moi que Lovecraft était très familier de cette région. Et moi, je m'y suis intéressé. Le roman suivant que j'ai lu, c'était Les montagnes de la folie, parce que c'était une erreur de ma part, parce que le récit est très difficile, très compliqué, avec beaucoup de détails de débats scientifiques, et à cette époque-là, ma connaissance scientifique était plutôt réduite. Et donc, j'ai arrêté de lire à la moitié du roman parce que je ne comprenais pas où il voulait en venir. Je pensais que c'était au-delà de mes moyens à l'époque. Plus tard, j'ai lu des œuvres plus simples, Les rats dans les murs, La couleur tombée de l'espace, et ces récits, ces nouvelles-là, ont inspiré ma dévotion pour Lovecraft. Et je suis retourné vers le précédent roman, et là, j'ai beaucoup plus apprécié ce que je lisais. Qu'est-ce qui vous séduit précisément dans cette littérature? C'est l'univers? C'est la peur que ça suscite chez le jeune adolescent que vous êtes? C'est la langue de Lovecraft, qui est une langue si particulière, si adjectivale? Qu'est-ce qui, dans votre souvenir, fait que vous accrochez à ce point-là, à cette littérature? Très tôt, je pense que J'ai lu Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, des écrivains américains et britanniques de fiction et d'horreur. Ben, quand j'ai lu Lovecraft, oui, c'est la langue qui m'a vraiment submergé. J'avais jamais lu quelqu'un qui écrivait comme ça. Certainement, il y a certains éléments de prose de Edgar Allan Poe chez Lovecraft, mais c'est vraiment un style complètement différent, excessivement compliqué, complexe. Je me souviens, en lisant Lovecraft avec un dictionnaire, parce qu'il utilisait tellement de mots difficiles que je sentais le besoin véritablement de comprendre le sens spécifique de ces termes qu'il utilisait. Il était exactement comme Flaubert, qui cherchait le mot juste. Et à ce jour, je pense que c'est un maître de la prose en anglais. Beaucoup de gens critiquent la prose de Lovecraft en disant qu'elle est un petit peu boursouflée, excessive. Mais moi, je pense qu'il était en contrôle total de sa langue. Il écrivait exactement l'œuvre qu'il voulait écrire. Il utilisait ce type de mots pour faire passer ces images-là. Je crois aussi que Lovecraft était un véritable révolutionnaire dans sa conception. Il écrivait à une époque où beaucoup des motifs standards de l'horreur, la maison hantée, le fantôme, et tout ça avait été utilisé et réutilisé, et la puissance esthétique de ces figures-là s'était affaiblie. Lovecraft s'est rendu compte qu'il devait faire quelque chose de différent. Si lui, quand la source la plus importante de la peur était la peur de l'inconnu, comme il l'a dit dans son travail, où est-ce qu'on peut trouver l'inconnu aujourd'hui? Très clairement, c'était dans les profondeurs de l'espace. On en sait encore très très peu de ce qu'il y a là-bas, dans ce vaste univers. Et c'est la raison pour laquelle Lovecraft en est venu à décrire ces créatures immenses qui venaient de l'espace extraterrestre et qui venaient vers nous. C'était une conception révolutionnaire qui a uni le surnaturel avec le genre qui se développait, ce genre de la science-fiction. C'est intéressant ce que vous dites à propos du style lovecraftien. Vous citez une lettre, vous en citez beaucoup, mais il y a une lettre qui a retenu mon attention, à propos du cycle de Kadat, du cycle du rêve. Vous citez une lettre de Lovecraft où il écrit « Il ne contient rien de ce qui plaît et de ce qui fait vendre et relève davantage du merveilleux des contes de fées naïfs que d'une réelle décadence baudelairienne. » Lovecraft est né en 1890, c'est en Europe l'explosion du symbolisme littéraire et du mouvement qu'on appelle la décadence. Lovecraft a lu ces auteurs-là, il connaît, il est au courant de ce mouvement des décadents qui, dans lequel on peut retrouver le même type de fascination pour la langue, pour l'obscurité, pour le vénéneux. I don't believe Lovecraft was particularly familiar with the symbolism. Je ne pense pas que Lovecraft ait été et connu le mouvement décadent. Je crois qu'il connaissait Baudelaire parce que Baudelaire a été vraiment le héros de Edgar Allan Poe. Et Baudelaire a reconnu Poe bien avant que les critiques américains le reconnaissent. Lovecraft ne maîtrisait pas le français. Il en connaissait un petit peu, mais il n'aurait pas pu lire Baudelaire ou aucun autre auteur en original. Je crois que son imagination provenait de sa lecture du gothique de Poe et d'autres auteurs des traditions weird américaines, des livres d'horreur et d'étranges. Lovecraft est passé par une série d'influences. Il rencontrait ou il lisait un auteur, peut-être quelques imitations de cet auteur dans son œuvre, et puis il passait à quelqu'un d'autre et à quelque chose d'autre. Après Poe, il a découvert le travail de Lord Dunsany, le grand auteur irlandais de fantasy. Il a écouté cet auteur à Boston au cours d'une conférence qu'il a faite, et puis il a découvert la littérature d'Arthur Machen et ses auteurs, Arthur Machin en français. Et ça a mené au développement du mythe de Cthulhu. Dunsany, dans ses œuvres du début, avait conçu l'idée d'une constellation entière de dieux imaginaires qui vivaient dans un royaume de fantaisie. Mais Arthur Machin, d'un autre côté, a créé dans sa propre petite mythologie qui impliquait l'existence d'une civilisation humaine primitive qui vivait en dessous de la civilisation actuelle. Lovecraft a combiné les deux pour créer son propre mythe de Cthulhu. Pour en revenir à vos travaux et à ce travail d'une vie qui est cette biographie et vos travaux autour de Lovecraft et de ses écrits, de sa correspondance, pas uniquement de ses romans, vous dites à Steve Joshi, j'ai trouvé Lovecraft convaincant parce que ses récits semblaient ouvrir tout un univers de terreur et d'émerveillement. Son langage poétique, l'incroyable originalité de ses monstres, la vivacité de son imagination ressemblait à une sorte, et c'est cela qui m'intéresse, de drogue illicite. Lovecraft était définitivement addictif. À partir de quand êtes-vous devenu toxicomane? À quel moment ça se crée? Absolutely. Je crois que Lovecraft, dans sa prose et dans ses conceptions imaginaires, voulait créer un effet, l'effet d'une incantation. Donc en fait, que ses lecteurs soient sous influence et transportés dans un autre monde. Et il est étonnant à quel point ce monde est réaliste. Lovecraft était, comme il le disait lui-même, un réaliste de la prose. Il sentait que la véritable façon de faire passer l'horreur était d'assembler une succession de tout petits détails sur les paysages ou les lieux qu'il décrivait, et ensuite d'inclure un élément bizarre qui envahissait cet environnement-là. C'est la raison pour laquelle les lieux sont tellement importants pour Lovecraft. Il considérait que le lieu d'un récit d'horreur était encore plus important que les gens. Bien, lui, il avait très peu d'intérêt dans les êtres humains et leurs relations. Il disait, c'est pas là-dessus que les récits d'horreur devraient se concentrer. On devrait se concentrer plus sur l'imagination et l'incursion de l'étrange, du bizarre, dans un domaine réaliste. Vous partez à Providence, donc à l'université Brown, où se situe, où se trouvent les archives Lovecraft. Comment est-ce que vous décidez de rentrer, eh bien, dans ce projet un peu fou, d'éplucher toute cette correspondance? Vous l'avez dit, c'est peut-être l'un des auteurs qui a le plus documenté sa vie. Il y a une somme invraisemblable de lettres, de carnets, de journaux. Il y a même, vous avez même trouvé un testament qu'il a écrit à l'âge de 22 ans. Quand est-ce que vous lancez en fait dans ce travail sisyphéen, Steve Joshi? When I first became interested in Lovecraft, bien, in the early 1970s, j'ai d'abord été intéressé par l'œuvre de Lovecraft dans les années 70. On en connaissait très peu sur lui. Mais à ce moment-là, certains universitaires émergeaient qui voulaient interpréter plus profondément Lovecraft. 1975 a été une année extraordinaire pour les études lovecraftiennes, en particulier parce que L. Sprague de Camp a publié la première biographie de Lovecraft, qui est très contestée, la biographie de Lion Sprague de Camp. Oui. Je vais vous dire, De Camp a fait beaucoup de travail, il a passé 2-3 ans à faire ce travail. Probablement c'était le meilleur travail qui avait pu être fait à cette époque-là. Moi j'ai connu De Camp, et c'était un universitaire vraiment très très profond, un polymathe, un pic de la Mirandole. Je connaissais beaucoup de sujets, mais quand j'ai lu ce travail en 1975, j'étais très près de terminer le lycée. Et je pense que c'est à cause de Sprague de Camp que je me suis rendu compte que les papiers, les archives de Lovecraft étaient à l'université Brown. C'est pour ça que j'ai voulu aller à cette fac-là, et j'ai eu la chance de pouvoir y être accepté. Mais je voulais être certain que, à côté de Lovecraft, je pourrais poursuivre des études normales. Parce que je savais qu'il y en avait tellement dans ces archives que ça prendrait des mois et des années à assimiler tout cela. Et une des premières choses que j'ai faites, ça a été de découvrir que les textes de Lovecraft, tels que publiés, étaient pleins d'erreurs. Si on consulte ses manuscrits à l'université de Brown et on les compare avec les textes publiés à l'époque, il y a des tas d'erreurs pour différentes raisons. Assez compliqué de comprendre pourquoi ça s'est produit. Mais j'ai senti le besoin de republier les œuvres de Lovecraft avec les textes corrigés, amendés. Et le niveau de détail impliqué dans ce travail m'a donné une compréhension plus profonde de l'écriture de Lovecraft. Et au cours du temps, Arkham House, l'éditeur principal, a accepté de republier ces textes et maintenant ils sont disponibles. J'ai découvert aussi que d'autres aspects de son œuvre, sa poésie, ses essais, n'étaient pas disponibles. Certains n'avaient même pas été publiés. Et donc là, à nouveau, je me suis occupé pour éditer et publier ce matériau. Parce que pour un écrivain comme Lovecraft, tout document qu'il a écrit a une pertinence pour sa vie, pour sa pensée. Et donc, le premier objet, la première chose qui doit être faite, c'est d'avoir véritablement une vision totale des publications, des œuvres de Lovecraft. C'est à ce moment-là seulement qu'on peut faire un pas en arrière et comprendre comment l'œuvre et la vie se combinent. Mais comment est-ce que vous avez trouvé votre chemin, Estide Joshi, dans la foule, l'énormité justement de ces correspondances, de ces notes manuscrites, de ces carnets? Comment est-ce que vous avez travaillé quand vous avez vu l'ensemble des documents qui étaient à votre disposition? You just start. Comment on commence? Eh bien, au début, je ne faisais pas très attention aux lettres, sauf je cherchais quelques informations spécifiques concernant un travail précis ou une œuvre précise. En fait, j'étais pas très intéressé par la vie de Lovecraft pendant de nombreuses années parce que je me suis dit que c'était l'œuvre qui devait être rendue disponible et je devais interpréter l'œuvre pour pouvoir faire passer l'idée que Lovecraft était véritablement un écrivain important. Quand j'ai commencé dans les années 1970, Lovecraft devenait populaire, mais tenu en faible estime dans le royaume de la critique littéraire et particulièrement dans la communauté universitaire. Donc, mon premier objet d'intérêt a été d'élever la réputation de Lovecraft au sein du monde littéraire et au sein du monde universitaire. Et je pense que j'y ai réussi. Les années passant, toutefois, il m'est devenu évident qu'il fallait une nouvelle biographie de Lovecraft. La biographie de Sprague de Camp devenait vraiment de plus en plus démodée, non seulement à cause des erreurs factuelles, mais parce que de Camp avait adopté une position assez dure vis-à-vis de la personnalité de Lovecraft. Il a été très critiqué pour cela. En particulier, il trouvait que le statut amateur de Lovecraft était assez insultant. Il voulait que Lovecraft soit un auteur plus professionnel. Mais Lovecraft ne voulait pas être un auteur, un écrivain professionnel. C'était un amateur au sens fort du terme. Il écrivait par amour de l'écriture, ama. Et il dit, ma seule raison d'écrire, c'est l'auto-expression. Si mon travail, si mon œuvre se vend dans les magazines et chez les éditeurs, c'est bien. Si ça se vend pas, eh ben c'est bien aussi. Le problème avec cette attitude, c'est que véritablement, Lovecraft n'a jamais eu d'autres sources de revenus et il s'est condamné à une pauvreté tout au long de sa vie parce qu'il ne pouvait pas vendre suffisamment ses œuvres pour en vivre. Il devait s'en remettre à un héritage décroissant qui se diminuait, Et en fait, il était devenu aussi nègre pour d'autres écrivains, mais il en tirait très peu d'argent. Et je le trouve ça extraordinairement admirable que Lovecraft soit resté fidèle à sa vision. Et cette intégrité esthétique, eh bien, fait que Lovecraft continue à être lu aujourd'hui, alors que beaucoup de ses contemporains sont tombés dans l'oubli. Les cités de Lovecraft, un Céléphaïs, une musique composée par Guillaume Connaisson, puisque nous parlons de Lovecraft tout au long de cette heure avec son biographe S.T. Joshi, dont l'immense, l'imposante biographie en 2 tomes vient d'être traduit aux éditions ActuSF. S.T. Joshi qui est ici en studio, traduit par le camarade Michel Zlotowski. Alors un mot peut-être, S.T. Joshi, on va parler quand même du contenu de cette biographie, qui est incroyablement détaillée et en grande partie parce que on a un nombre de détails absolument invraisemblables liés à toute cette correspondance et à toutes ces notes. Et vous nous disiez tout à l'heure au début de cette émission, et c'est vrai que l'une des périodes qui est peut-être le plus détaillée, c'est sa période, peut-être la pire période de sa vie, sa période new-yorkaise entre 1924 et 1926. Il habite à Brooklyn. Ce sont des années très difficiles et ce sont des années qui vont le marquer profondément avant son retour à Providence. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'importance de ces années dans la carrière littéraire de Lovecraft? One of Lovecraft's friends, W. Paul Cook, who knew him W. Paul Cook, un ami de Lovecraft qu'il a connu avant et après ses périodes new-yorkaises, a dit que quand Lovecraft est rentré de New York, il avait fait l'expérience du feu et qu'il en était ressorti un lingot d'or. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça montre à quel point cette période difficile a été d'une importance critique dans le développement de l'imaginaire de Lovecraft. Même s'il a rencontré là-bas Sonia Green, sa future femme, en 21, ils ont poursuivi une correspondance pendant 3 ans, et se sont rencontrés de façon occasionnelle. Mais en fait, c'était, si vous voulez, une aventure au long cours, mais de loin. Donc, Lovecraft n'avait jamais eu de relation intime avec une femme avant et après cette période. De mon point de vue, il n'était pas préparé aux responsabilités de la vie maritale. C'était une erreur pour lui d'aller à New York. Et finalement, bon, c'était quelque chose de bien pour lui, mais au début, c'était mauvais parce que Lovecraft n'avait jamais vécu ailleurs qu'à Providence. Et pour se sortir de cet environnement et aller dans l'environnement extrêmement difficile qui est celui de New York, c'était vraiment une transition très dure. Je peux dire la même chose pour moi. Moi, j'ai vécu à New York pendant de nombreuses années et finalement, j'ai dit, je ne peux plus vivre ici. C'est pas là que je veux être. Pour Lovecraft, les problèmes ont été augmentés parce que véritablement, il n'arrivait pas à avoir un emploi. Sonia, qui avait été une chapelière de renom, elle-même avait des problèmes à garder son emploi. Et l'argent est devenu un problème très dur pour eux deux. Et finalement, à la fin de leur première année de mariage, 1924, elle a dû partir pour travailler à Cleveland dans le Midwest et laisser Lovecraft seul dans un appartement vraiment très pauvre de Brooklyn. Lovecraft did have his friends, the so-called Kalem Club. Lovecraft avait ses amis du Kalem Club qui l'ont aidé un petit peu, mais bon, on peut voir dans les lettres qu'il avait écrites à ses tantes vraiment qu'il a eu son mental se dégradait. À chaque fois, son racisme apparaît lorsqu'il rencontre cette population très polyglotte de New York, compréhensible mais malheureux. Ça lui a pris pas mal de temps pour se rendre compte que New York, c'était pas l'endroit où il devait être. Mais il était déchiré. Je pense qu'il aimait véritablement Sonia autant qu'il pouvait. Il ne voulait pas l'abandonner. Je pense que ses tantes voulaient qu'il abandonne sa femme et qu'il rentre à la maison. Et finalement, il a décidé oui. Il faut que je le fasse. Il aurait aimé que Sonia l'accompagne, mais c'était impossible. L'effet de ces années à New York ont remis l'accent sur l'importance de la Nouvelle-Angleterre et de Providence pour lui. Auparavant, il acceptait son statut de quelqu'un de la Nouvelle-Angleterre sans même y réfléchir. Là, il comprenait qu'il était jusqu'à la moelle quelqu'un de la Nouvelle-Angleterre. Et il reste jusqu'à aujourd'hui. Ça reste un aspect extrêmement important de la population américaine, cet aspect de la Nouvelle-Angleterre. Et son travail est devenu beaucoup plus profond. Il a exploré l'histoire, la topographie de la Nouvelle-Angleterre en créant ces villes extraordinaires, imaginaires, où des choses bizarres se produisaient. Mais dans le même temps, lui-même a beaucoup voyagé sur la côte est des États-Unis et il a permis à son imagination de voyager à travers le monde et à travers l'univers, mais en revenant toujours à la Nouvelle-Angleterre. C'est ça le sens de ces années de New York. Ça l'a transformé en l'être qu'il est devenu pour la dernière partie de sa vie. Il y a quelque chose qui apparaît très tôt aussi, hein, dès le premier tome de cette biographie, sur lequel vous insistez assez, c'est la passion de Lovecraft pour l'astronomie. Hein. Il écrit des fanzines dans son adolescence. C'est une passion qui va véritablement structurer son univers littéraire et son imaginaire, et que vous réhabilitez beaucoup dans vos travaux, Asti Joshi. Yeah, I myself wish I knew more about astronomy than I do, but I am. Je souhaiterais en connaître plus en astronomie que je ne le fais. Je ne suis pas spécialiste, mais ça m'est paru évident que la science était la base, le substrat de son écriture et de sa pensée. Son premier amour pour la science est venu à l'âge de 8 ans, quand il a découvert la chimie. Il a beaucoup travaillé en chimie pendant de nombreuses années. Tout seul, c'était pas du tout à l'école, parce que à l'école, il y allait comme ci, comme ça. Mais il a découvert l'astronomie à l'âge de 12 ans, et ça venait d'une influence familiale. Sa grand-mère était vraiment très intéressée par l'astronomie. Elle avait beaucoup de livres sur le sujet, des livres plutôt anciens, peut-être démodé, mais ça a enflammé l'imagination de Lovecraft. Et à part écrire ses petits magazines, ses fanzines, pour son propre intérêt et pour l'intérêt de sa famille, il est devenu écrivain en astronomie pour les journaux locaux. Franchement, ce ne sont pas des articles d'un très grand intérêt, mais ça montre l'étendue de ses connaissances dans cette science à un âge très jeune. Et il a démontré que son sens du cosmique, ce sens que les êtres humains sont insignifiants dans le monde sans limite du cosmos, eh bien tout cela venait véritablement de son étude de l'astronomie. Et c'est, si vous voulez, sa première contribution à la littérature. D'autres écrivains qui l'ont précédé ont discuté vaguement du cosmos dans leur œuvre, mais Lovecraft, lui, c'est celui qui a établi cela comme un sous-genre de la fiction. Et ce qui est fascinant dans l'œuvre de Lovecraft, c'est qu'évidemment, il y a ce regard porté vers l'espace qui est un regard plein d'inquiétude en disant ce cosmos, il est beaucoup plus vieux, il a hébergé des formes de vie beaucoup plus complexes. Et comme vous l'avez dit, la présence humaine est insignifiante, hein, c'est le fameux incipit de l'appel de Cthulhu. Mais surtout, le génie de Lovecraft, c'est de retourner les yeux vers ses pieds, vers le sol, et de dire notre Terre dans ce cosmos est aussi ancienne que le cosmos et donc elle-même abrite des horreurs auxquelles nous ne pouvons pas penser. C'est ce double regard vers le haut puis vers le bas. Lovecraft était fasciné par les parties mystérieuses de cette Terre, tout comme par les éléments mystérieux de l'extérieur. Sa fascination pour la géologie et la paléontologie se démontrait aussi très tôt dans sa vie. Lorsqu'il avait 10 ans, en 1900, il a commencé à suivre les nouvelles explorations de l'Antarctique par Amundsen, Scott et d'autres. Il lui a fallu attendre 30 ans pour développer l'intérêt pour écrire Les Montagnes de la Peur. Et je pense que c'est un de ses grands triomphes dans la littérature réaliste et dans la littérature d'imagination. C'est une fusion merveilleuse de la compréhension très détaillée du continent antarctique avec cette incursion des éléments extraterrestres. Et je pense que c'est la plus belle union de la science et de la science-fiction. Et autant il lui faut peut-être 30 ans pour écrire Les Montagnes de la Folie, mais néanmoins, Pluton, par exemple, qui est découverte le 18 février 1930, donne lieu immédiatement à celui qui chuchotait dans les ténèbres, qu'il écrit la même année, l'année de la découverte de Pluton, qu'il intègre dans sa cosmologie, qu'il appelle Hugot, avec les fameux Migos qui vont marquer ensuite son imaginaire. C'est pas tout à fait exact de dire que la découverte de Pluton a inspiré celui qui chuchotait dans les ténèbres. Le fait est que Pluton avait été découvert en janvier 1930, mais l'annonce publique a été retardée de quelques mois. Et Lovecraft avait déjà commencé l'écriture de celui qui chuchotait dans les ténèbres. Et il avait créé déjà cette idée de des Migos, des fungi de Hugot. Right, voilà. Les fungi de Hugot. Il est évident que la découverte de Pluton a enflammé son imagination. Il savait que c'était la troisième planète à être découverte depuis l'Antiquité. Uranus, Neptune et Pluton, c'était les trois planètes que les astronomes de l'Antiquité ne connaissaient pas déjà. Et c'était vraiment très excitant pour Lovecraft. Et immédiatement, il a lié cette notion de Yogot avec Pluton. Les créatures dans celui qui chuchotait dans les ténèbres ne viennent pas de Pluton, mais des profondeurs de l'espace. Pluton, c'est, si vous voulez, comme un marchepied pour l'espace plus lointain. Mais Lovecraft aimait beaucoup peupler l'univers avec ces planètes extraterrestres comme étant la source de ces créatures lointaines. Et on voit bien au fur et à mesure et dans sa correspondance cet intérêt qui se prolonge pour l'astronomie et pour l'espace. En revanche, ce qui apparaît également, c'est que sur le reste de son aspect ou de son intérêt scientifique, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Vous expliquez comment, par exemple, l'utilisation qu'il fait de la théorie de la relativité ou de la géométrie non euclidienne, eh bien, c'est une utilisation plus cosmétique que véritablement fondée scientifiquement. Yeah, I mean, let's be honest, Lovecraft. Soyons honnêtes, Lovecraft c'était un amateur dans beaucoup de ces domaines. Aside from the fact that he never graduated, le fait qu'il n'a jamais été diplômé, même qu'il n'a pas terminé complètement le lycée, c'était un autodidacte. And there are limits to. Et il y a des limites à ses connaissances. En 1923, quand certaines observations ont mené à la vérification de la théorie d'Einstein de la relativité, Lovecraft s'est beaucoup inquiété parce qu'il a senti que cette théorie détruisait fondamentalement les fondations de la science du XXe siècle sur laquelle il s'était fondé. Il a tenté de comprendre aussi bien que possible la théorie de la relativité plus tard, mais Il a discuté de la théorie quantique qui prouvait qu'il ne comprenait pas en fait en quoi consistait la théorie des quantums. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, qui est-ce qui comprend ça? Mais bon, les auditeurs de la méthode scientifique. I remember a relatively late letter from 1932. Je me souviens d'une lettre assez tardive de 52. Plus on en apprend sur l'univers, le plus mystérieux il devient. Et Lovecraft était fasciné par cette conception. Il voulait apprendre, mais il voulait garder une certaine réserve pour l'inconnu. On a beaucoup dit à Steve Joshi que ce qui a rendu aujourd'hui, enfin ce qui est associé définitivement à l'univers de Lovecraft, à savoir le mythe de Cthulhu, que c'est un mythe qui a été créé a posteriori, post-mortem, notamment par ses collaborateurs, notamment Auguste Derleth. Cette partie de sa littérature, les 10 derniers récits, fait partie de la troisième partie de sa vie. Néanmoins, on voit à travers la correspondance et à travers vos travaux que dès le début, tout de suite, finalement, il y a des éléments de cette mythologie qui apparaissent dès Dagon en 1917, dès les premières mentions de Nyarlathotep, d'Azathoth. Qu'est-ce que vos travaux sur toutes ces notes, sur toute cette correspondance, vous permettent de comprendre ou d'expliquer aujourd'hui sur la façon dont c'est structuré dans l'esprit de Lovecraft cette mythologie? C'est intéressant de voir la façon dont ces éléments de la mythologie ont émergé dès le début des écrits de Lovecraft. Mais dans sa première décennie d'écriture, il jette par-ci par-là quelques références de façon sporadique. Son intérêt était limité. Il était sous l'influence des romans gothiques, sauf dans quelques romans, dans quelques récits, dans quelques nouvelles. Ça a changé avec l'appel de Cthulhu. C'était écrit à l'été 1926. Il faut comprendre que le récit a été conçu une année complète alors qu'il était à New York, mais il a admis qu'il ne pouvait simplement pas écrire cela dans l'atmosphère étouffante de New York. Il a dû quitter New York et rentrer à Providence pour que cette histoire ait pu être écrite. Et à mon avis, c'est une réussite extraordinaire parce que il a réussi à unir tous ces liens que l'on voit dans ces récits précédents dans une mythologie unifiée qu'il a élaborée au cours de la dernière décennie de sa vie. Je ne peux pas vous dire comment il est arrivé à écrire cette œuvre. C'est vraiment une avancée extraordinaire dans son travail. Et c'est quelque chose, vraiment, c'est un point de non-retour. Pour expliquer hein, à quel point, finalement, cette postérité de Lovecraft s'est construite après son décès, c'est intéressant parce que c'est peut-être, je crois, la première fois que je vois une biographie, un travail biographique aussi important que celui que vous avez fait, qui se conclut par un chapitre post-mortem, hein, le dernier chapitre, le chapitre 26, point n'est parti, 1937-2010, où vous racontez comment, eh bien, après, petit à petit, pièce par pièce, avec tous les gens qui ont, en commençant par Derleth, qui ont continué, qui ont poursuivi le travail de Lovecraft, eh bien, petit à petit, cet univers s'est amplifié. Comment est-ce que vous expliquez, finalement, ce succès a posteriori? Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui encore, Esti Joshi, on découvre et on apprécie le travail de Lovecraft? To this day, I am astounded. À ce jour, je suis étonné que Lovecraft ait atteint ce niveau de célébrité et d'estime critique qu'il a atteint. Je ne connais aucun autre auteur dans le domaine littéraire qui en ait tellement peu publié au cours de sa vie et reçu tellement peu de félicitations de sa vie qui soit devenu maintenant un phénomène mondial. Souvenons-nous, il n'a publié aucun recueil dans sa vie. Il a eu beaucoup de négociations avec des éditeurs, mais ça débouchait sur rien. C'était un très mauvais commercial de son propre travail, parce qu'il disait que c'était pas un homme de bien ne devait pas faire ça. Un gentleman ne faisait pas ça. Et c'était remarquable aussi la façon dont, après sa mort, tellement de gens ont eu une telle dévotion pour Lovecraft qu'ils aient passé tellement de temps et d'efforts pour sauver l'œuvre de Lovecraft, la sauver de l'oubli et la publier. Souvenons-nous qu'Auguste Derleth n'a jamais rencontré Lovecraft. Il a correspondu avec lui pendant des années. Et pourtant, aussi admirable que soit le travail de Derleth en réunissant les lettres de Lovecraft et en les publiant, je pense que Derleth n'a pas très bien ou n'a pas finalement compris le sens profond de l'œuvre de Lovecraft. Derleth lui-même était un catholique pratiquant et il ne comprenait pas l'approche athée de Lovecraft qui transparaît dans son œuvre. Ça peut sembler étrange que Lovecraft ait créé tous ces dieux, mais qu'il ait été athée, mais il l'était. Ces dieux ne sont pas des dieux. Ce sont des extraterrestres que les êtres humains interprètent comme étant des dieux parce qu'on n'avait aucune autre façon de comprendre des entités aussi puissantes. Derleth n'a pas compris cette conception. Et il a écrit des imitations de Lovecraft qui sont sans imagination et de piètre qualité. Mais en fait, elles ont conservé vivant le nom de Lovecraft. Et au cours du temps, des éditeurs de livres de poche ont trouvé un intérêt dans les œuvres de Lovecraft. À la fin des années 60, un certain nombre d'éditeurs ont commencé à republier ou à publier pour la première fois les œuvres de Lovecraft. Et pour la première fois, il est devenu un auteur populaire. Et je pense que ça a eu une influence sur l'émergence de la fiction d'horreur comme un phénomène important dans l'œuvre de Stephen King, par exemple, et d'autres écrivains. Ce mouvement s'est construit sur lui-même. De plus en plus de gens ont été attirés par Lovecraft, et des gens comme moi qui sont devenus intéressés à étudier et à analyser Lovecraft. Ce travail est encore fait principalement à l'extérieur de l'université. Peu d'enseignants sont intéressés par Lovecraft, mais peu aux États-Unis. C'est pour la plupart des universitaires indépendants qui le font. Et je pense qu'on a fait beaucoup, une grande partie de ce travail en analysant Lovecraft et en le publiant. Mais ce mythe de Cthulhu vit véritablement sa propre vie avec ses jeux de rôle et d'autres médias. Et ça, c'est un phénomène que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est l'importance du jeu de rôle qui est sorti chez Chaosium à la fin des années 80-90 de mémoire, a effectivement beaucoup d'importance. Vous avez cité aussi des jeux vidéo, il y en a encore qui sortent dans pas longtemps cette année, The Sinking City, qui a l'air absolument merveilleux et qu'on a hâte d'essayer. Mais alors, une question tout de même, pour conclure, je vous demandais une réponse brève à Steve Joshi, comment expliquer que Lovecraft n'ait jamais vraiment réussi à rencontrer le cinéma. Lovecraft, au cours de sa vie, méprisait le cinéma. Il ne sentait pas que ce soit un média qui pouvait produire des œuvres esthétiques réussies. Il a vu certains de ces films d'horreur, comme Le Fantôme de l'Opéra, Frankenstein, Dracula. Il aimait Le Fantôme de l'Opéra, mais il méprisait les films de Frankenstein et Dracula parce qu'ils n'étaient pas fidèles à l'esprit de l'original. Et en termes de ce qui s'est passé après sa mort, je pense que Lovecraft était en si piètre estime critique que les réalisateurs ne voulaient pas regarder son œuvre. Je crois que ça change, et on peut s'attendre à des films importants et des adaptations puissantes de Lovecraft à l'avenir. Eh bien, on regardera ça avec curiosité, avec intérêt. Merci beaucoup, Esti Joshi. Thank you very much for being with us. Thank you. Merci infiniment. Merci beaucoup, Michel Zotowski, pour la traduction. Je suis Providence, c'est l'imposante biographie et passionnante biographie de Howard Philip Lovecraft en deux tomes aux éditions ActuSF, traduit sous la direction de Christophe Thiel et d'une dizaine de traducteurs qui ont fait un boulot formidable. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vuffran, Céline Lausanne, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, YouTube Diego, Hac Lopez à la technique.